Donc, le Coran, on voit l'importance, hein, et la supériorité qu'il a par rapport aux autres livres. Et on sort d'un mois, hein, où nous lui avons accordé de l'importance. Alhamdoulillah, beaucoup d'entre nous avons fait des efforts. On va dire, avons fait des efforts pendant le Ramadan pour lire le Coran un peu plus qu'à l'accoutumée. Et donc, nous devons avoir conscience que lorsqu'on prend le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole de notre Seigneur réellement. C'est réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit avoir dans notre cœur conscience, ressentir que c'est un honneur. C'est un honneur que d'avoir ce Coran. Combien de communautés n'ont pas eu ce Coran, hein, dont on est sûr qu'il n'est pas altéré, contrairement aux autres livres, étant donné que c'est Allah subhanahu wa ta'ala en personne qui s'est chargé de le préserver, comme il l'a dit lui-même dans le Coran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, ce qui signifie selon la traduction du sens, c'est nous qui en vérité avons révélé le Coran, ou le rappel, hein, il est voulu par le rappel, comme c'est venu dans Tafsir Ibn Kathir, le Coran, et c'est nous qui veillons à sa préservation. Donc Allah en personne s'est chargé de préserver ce Coran, et nul doute qu'une chose qu'Allah s'est chargé lui-même de la préserver, que nul ne pourra venir l'altérer. On doit donc avoir ce sentiment que c'est un honneur, c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait de nous accorder ce Coran. Ce Coran, hein, mes frères et mes sœurs, qui est un des plus grands facteurs d'augmentation de la foi. Allah azawajal ne dit-il pas dans le Coran à ce sujet, wa idha ma unzilat sura faminhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana yastabshirun, ce qui signifie selon la traduction du sens, et lorsqu'une sourate est révélée, ils disent, hein, il est parmi eux qui disent, hein, qui de vous cette sourate a raffermi dans sa foi ou a augmenté sa foi? Quant à ceux qui ont cru, elle a certes renforcé leur foi et ils n'en sont que pleins de joie. Donc elle est, ce Coran est une source d'augmentation de la foi. Plus on lit le Coran, plus nous raffermissons notre foi. Ce Coran, il est également, mes frères et mes sœurs, une cause de notre guidée au paradis. Il est rapporté par Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Quran shafi' mushaffa' wa mahil musaddiq, man ja'alahu amamahu, qadahu ila al-jannah, wa man ja'alahu khalfa dhahrih, saqahu ila al-nar. والحديث عند ابن حبان وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ترغيب والترهيب. Donc ce Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la partie qui nous intéresse du hadith, il nous dit, celui qui le met devant lui, c'est-à-dire qu'il le lit, qu'il le médite, qu'il le met en pratique, ce Coran va le guider au paradis. Et celui qui le met derrière son dos, c'est-à-dire qu'il ne l'ouvre pas, ne le lit pas, ne le médite pas, ne le met pas en pratique, alors celui-là, il va être guidé au feu. Ce délaissement du Coran l'entraînera au feu. Et en plus d'être d'une cause de l'entrée au paradis, ce Coran, non seulement il est une cause de nous faire entrer au paradis, mais il est en plus une cause de nous augmenter ou de élever notre position au paradis, comme cela est rapporté dans Sunan ibn Abi Daoud, fi kitab al-salah, an Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yuqalu li sahib al-Qur'an, ikra wa artaqi, wa rattil kama kunta turattil fi al-dunya, fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Il nous dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il sera dit au lecteur du Coran, hein, le jour du jugement, lis et élève-toi, monte, et récite comme tu récitais dans la vie d'ici-bas. Et certes, ta station sera au dernier verset que tu auras lu. Donc tu vas ne cesser de monter, monter, monter, monter jusqu'au dernier verset que tu auras lu. Et donc c'est une cause, hein, de rif'a, d'élévation au paradis. Ce Coran, ya Abdallah, qui est un intercesseur pour toi, comme il est venu également dans la sunna du prophète, rapporté par Abi Umama radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه والحديث عند مسلم رحمه الله تعالى. Donc Abi Umama, qu'Allah l'agrée, nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez le Coran, car certes le jour du jugement il sera un intercesseur pour son lecteur. Et le hadith il est chez Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce Coran qui demandera même le jour du jugement, donc il intercédera comme on vient de le voir, et parmi ses intercessions il demandera à Allah, ce Coran, il demandera à Allah: oh Allah, sois satisfait de lui, et celui sera accordé cette invocation, cette demande au Coran. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi, que Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a authentifié, il nous rapporte que Abu Huraira radiallahu anha nous dit, le hadith il est un peu plus long, mais le Coran dira: ya Rab, irda anhu, fa yarda anhu. Il dira: oh Seigneur, agrée-le, et Allah l'agréera, et Allah sera alors satisfait de lui. C'est tellement important, ce Coran. C'est tellement une place centrale dans la vie du musulman, ou en tout cas c'est comme ça que ça devrait l'être, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé à celui qui en a la capacité de le lire en 3 jours. De le lire en 3 jours, si on en était capable. Comme il est venu dans un hadith, qala iqra sallallahu alayhi wa sallam, iqra al-Qur'an fi thalathin in istata't. Lis le Coran en 3 jours si tu en es capable. Et dans d'autres riwayas, d'autres hadiths, il est venu en 7 jours. En 7 jours, al-muhim, en tout cas, il faut le lire à un rythme assez élevé, ce qui montre l'importance qu'il doit avoir dans notre vie. On doit être fermement attaché à ce Coran. On doit avoir comme attachement au Coran l'attachement que l'on peut voir aujourd'hui à nos téléphones. C'est le téléphone qu'on a toujours dans nos mains, c'est en vérité le mushaf qu'on devrait avoir dans nos mains. Et c'est ce mushaf qu'avaient les salaf salih, les pieux prédécesseurs, les premières générations, les sahaba, les tabi'in, ou tabi'in, c'est le mushaf qu'ils avaient dans les mains. C'est des exemplaires du Coran et non pas le téléphone. On vient de voir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de lire le Coran en 3 jours, dans d'autres versions, d'autres hadiths, en 7 jours, à un rythme qui aujourd'hui, peut-être pour certains d'entre nous, nous paraît inimaginable. Pour certains d'entre nous, et on l'entend souvent, finir le Coran en 1 mois pendant le Ramadan, c'est notre maximum. On a terminé le Coran, tout le Coran, pendant 1 mois, pendant le Ramadan, c'est notre maximum. Et le reste de l'année, pour certains, c'est quasi zéro lecture. Une fois par mois, c'est notre maximum pendant le Ramadan. Alors que normalement, comme j'ai pu l'entendre par le passé de Sheikh Al-Fawzan, il nous disait le minimum sous lequel il ne faut pas descendre, il disait que c'est une fois par semaine. Et il disait au pire, ani ashab tijara, les commerçants, ceux qui ont énormément occupé, il nous disait le pire, c'est vraiment la limite, c'est une fois par mois. Donc une fois par mois, normalement, c'est la limite en deçà duquel on ne devrait pas descendre en dehors de Ramadan, ce qui implique que normalement pendant Ramadan, on devrait exploser cette limite. Et nous aujourd'hui, pour certains d'entre nous, beaucoup malheureusement, 1 mois, une fois, le Coran, une fois dans le mois, c'est notre maximum, ce qui montre à quel point le Coran, où nous sommes éloignés de Coran. Une fois par semaine, ça devrait être la norme. Ça devrait être la norme. Sincèrement, qui tient ce rythme aujourd'hui? Très peu, excepté ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Et on en voit, alhamdulillah, parmi les plus anciens. Et c'est Allah qu'on demande de l'aide, et ça devrait être la norme. Ce Coran, c'est la parole d'Allah, mes frères. Ce Coran, c'est une lumière dans nos vies, c'est une guidée. Ce Coran, c'est une bénédiction. La bénédiction, c'est une baraka. La baraka, on avait déjà expliqué dans des cours précédents, c'est l'augmentation du bien divin. C'est une bénédiction dans tous les aspects de la vie. « Fid dunya wa fil akhira ». Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, nous dit à ce propos, « La shay'a a'zamu barakatan min hada al-Qur'an, fa inna kulla khayrin wa ni'matin wa ziyadatin diniya ou dunyawiya ou ukhrawiya fa innaha bisababi. » Il nous dit, Cheikh Sa'di, « Il n'y a pas une chose plus grande en bénédiction que ce Coran. Tout bien, toute origine de bien, tout bienfait, toute augmentation, qu'elle soit dans la vie d'ici-bas, qu'elle soit dans notre religion ou qu'elle soit liée à notre au-delà, sa cause c'est le Coran. Sa cause c'est le Coran, c'est-à-dire sa lecture, sa méditation et sa mise en pratique. Et je m'adresse aux parents, nos parents, hein, nous qui sommes toujours en train d'essayer de pousser, alhamdoulilah, c'est une bonne chose, nos enfants à l'apprendre par cœur, à le lire. Mais quel exemple sommes-nous? Quel exemple sommes-nous, hein, que chacun fasse son examen de conscience par rapport à ça. Quel exemple sommes-nous par rapport au mushaf? Combien d'entre nous, on est peut-être là à pousser nos enfants, mais on s'oublie soi-même. Comment voulez-vous que vos enfants se tournent vers le Coran si vous-même vous ne l'ouvrez que très rarement? S'ils ne vous voient rarement ouvrir le Coran, s'ils vous voient plus souvent avec le téléphone dans la main que avec un mushaf dans la main. Comment voulez-vous qu'ils aient un lien avec le Coran si jamais vous ne pensez à rassembler vos enfants dans le salon pour parler ensemble du Coran, lire un peu de tafsir, hein? Certains diront, je n'ai pas de science. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a des traductions. Prendre un tafsir en français et lire, hein? Ou par exemple, lire des histoires, hein, des histoires de prophètes qu'il y a dans le Coran. Certains livres ont été écrits à ce sujet. Qui pense de temps en temps à rassembler ses enfants pour parler du Coran et faire pousser cette graine d'amour du Coran dans leur cœur? Non, aujourd'hui, on a été envahi par les téléphones portables, par les écrans tactiles. Chacun est dans sa chambre et chacun est préoccupé par des choses par lesquelles qui lui ont la plupart du temps très peu d'intérêt, voire qui sont des nuisances dans sa vie. Donc, on s'est un peu écarté, mais comme c'était le point de croyance, c'était la croyance au livre et au Coran, j'ai trouvé que à la sortie du Ramadan, c'était bien de faire ce petit rappel, qu'on se rappelle, on est à la sortie du Ramadan, on a fait des efforts, normalement, alhamdoulilah, il y a encore des effets dans notre cœur, faisons en sorte de faire perdurer ces effets et de ne pas s'écrouler à la sortie du Coran, à la sortie du mois de Ramadan, pardon, et de continuer ses efforts, même si on aura du mal à maintenir le niveau d'effort qu'on avait pendant Ramadan, en tout cas de ne pas s'écrouler totalement, de ne pas passer d'un extrême à l'autre, hein, c'est-à-dire à la sortie de Ramadan, de complètement délaisser le Coran. Et le fait d'être capable de continuer derrière à être attaché au Coran à la sortie de Ramadan, c'est un des signes de l'acceptation de la validité de notre jeûne, d'être capable de rester dans l'effort après Ramadan et ne pas s'écrouler totalement à la sortie du mois de Ramadan.